25 ans aujourd'hui, une crise éclatait au Forum de Montréal. Évidemment, à l'époque, Patrick Roy était retiré du match après avoir concédé 9 buts aux Red Wings de Détroit. Et on va parler avec un joueur du Canadien à l'époque, c'est l'ancien défenseur des Red Wings de Détroit, qui a joué également pour le Canadien, qui était en uniforme pour le Canadien lors de ce match du 2 décembre 1995. C'est l'ancien défenseur d'Alexandre Livracine. Bonjour Yves. Comment ça va, Denis? Ça va bien, ça va bien. Yves, si on parlait un peu de ce match-là, c'était un match quand même mémorable. Le Canadien, ils ont été 10 à 15 ans avant de se remettre de tout ça. Dis-moi, c'était quoi l'ambiance dans le vestiaire après que ça commençait à rentrer, puis qu'on voyait que Patrick était pas retiré du match? Les joueurs se disaient quoi? Ben, c'est sûr que c'est un match qu'on veut oublier dès le départ. C'est sûr que quand tu perds 11 à 1, c'est jamais un bon match. Puis de voir Patrick partir de la façon qu'il est parti, mais moi, ce qui m'a frappé le plus, que je me souviens, étant assis sur le banc durant le match, c'est quand que la foule, les fans, ont commencé à huer Patrick. On voyait encore les vidéos cette semaine. Puis quand on revoit ça après, là, tu dis, en tant qu'athlète, il n'y a personne qui veut se faire traiter de même. Puis surtout que Patrick a tellement fait pour l'organisation du Canadien, pour les fans de Montréal. C'est le joueur qui avait le plus à cœur les fans et l'équipe. Donc, de se faire traiter de même, c'est sûr, c'est une question de frustration. Puis cette frustration venait parce qu'il ne se faisait pas débarquer de la patinoire, on s'entend, là. Mais moi, pour moi, c'est vraiment l'illumination qu'il y a eu là, quand les gens ont crié chou, ils devaient sentir là, vraiment là, ne pas être là dans sa tête. Mais les joueurs dans le vestiaire, vous disiez-tu, voyons, quand est-ce qu'ils vont le retirer? Parce que tu sais bien que c'est 5, 6, 7, 8, 9 à 1. T'sais, le match est perdu, là. Ben, c'est sûr que, puis tu sais, je l'ai dit auparavant, puis je m'en cache pas. Moi, je pense que c'est un règlement de compte parce que j'ai joué quand même 10 ans dans la Ligue nationale. J'ai jamais vu ça auparavant. Ça arrive des fois que les équipes ont des mauvais matchs ou un gardien de but ne joue pas bien. Après un ou deux buts, trois buts, on met le deuxième gardien de but puis on essaye de revenir dans le match. C'est une question de changer le momentum, des choses de même. Mais là, ça rentrait, puis le coach faisait aucun mouvement. Donc, on savait bien qu'il se passait quelque chose. Est-ce que donc évidemment du côté de l'équipe, du côté des joueurs, c'est ça que vous posiez comme question, mais est-ce que du côté du vestiaire aussi à l'époque aussi, ça devait être un peu spécial aussi, l'atmosphère du côté des joueurs? Ben, c'est sûr que quand t'es ton meilleur joueur, ça fait être traité comme ça. Puis on savait bien que lorsqu'il est sorti après le match, qu'on l'en verrait pas. On a su qu'est-ce qu'a dit à M. Carré par la suite aussi. Donc, on savait bien que c'était terminé. Fait que en tant qu'équipe, en tant que joueur, de savoir que ton meilleur joueur revient pas, c'est sûr que c'est dur à avaler. C'est sûr qu'il y a eu un échange. Jocelyn Thibault est arrivé, super bon gars, bon gardien de but, mais c'est un jeune de 20 ans qui vient prendre la place de Patrick Roy. C'était pas facile pour lui. Il est quand même très bien fait, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup de pression. Donc, moi, c'est plus ça. Il y a Patrick, mais je pense que si on voit l'ensemble de cette année-là, le départ de Jacques Demers puis de M. Savard aussi, ces trois éléments-là étaient trois éléments clés de l'équipe. Et les trois sont partis la même année. C'est sûr que ça a donné un gros coup à l'organisation, puis je pense que ça a pris plusieurs années avant qu'ils s'en remettent. Yves, j'ai lu dans la biographie de Serge Savard que Serge, je ne sais pas si tu l'as lu, la biographie de Serge Savard, Non, je l'ai pas lu, non. il disait qu'il était mal à l'aise un petit peu du traitement que Jacques Demers faisait à Patrick Roy, qui mettait Patrick un peu sur le piédestal, puis que lui, ça a même arrivé un moment donné, il m'a parlé, dans la biographie, il disait qu'il avait arrivé un incident, puis qu'il prenait Patrick Roy, il avait engueulé les joueurs, puis il prenait Patrick Roy comme exemple, puis que Serge Savard était embarrassé de ça. Comme joueur, est-ce que vous, ça vous tombait sur les nerfs que là, on parle de plus de l'époque de Jacques Demers, puis t'étais là-dedans, je pense que de l'époque de Jacques aussi, là. Est-ce que ça vous tombait sur les nerfs que Jacques Demers mettait Patrick Roy sur un piédestal? Non, aucune main. En tout cas, pour moi, me parler personnellement, puis dans l'équipe, quand j'étais là à Montréal, non. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Jacques Demers me coacher dans trois équipes différentes, à Détroit, à Montréal, puis à Tampa Bay, ma dernière année. Donc, Jacques, c'est un gars, c'est un player coach qu'on appelle. Il était très près de ses joueurs. C'était un motivateur. Puis oui, peut-être que Patrick était mis sur un piédestal, mais il était le meilleur joueur de l'équipe et un des meilleurs de la ligue. Fait qu'on n'avait aucun problème avec un traitement de faveur. Puis le traitement de faveur qu'il y avait, c'est qu'il avait la chance de parler avec Jacques et de décider quel game partie qu'il pouvait jouer ou qu'il voulait jouer. Moi, quand t'as ton meilleur gardien de but, meilleur joueur de l'équipe, te donne des chances à tous les soirs de gagner. Il y a la chance de travailler avec le coach et d'avoir une bonne relation. Aucun problème. D'autres, on voulait avoir Patrick le plus souvent possible dans les buts. Donc, Puis oui, moi, on ce que savait qu'il y avait un traitement, mais aucun problème avec ça. moi, c'est Stéphane Lebeau me disait aussi, Stéphane, qui a joué pour Patrick Roy, puis j'avais posé la même question que Ouais. j'ai posée à Yves, puis à toi. Puis il dit, Patrick a jamais abusé de ça non plus. Patrick, c'était pas le gars qui. Jamais, jamais. Jamais. C'était pas Non, le non. gars justement qui devait arriver, qui était arrivé, puis se prenait pour un autre. Il se mettait au même pied d'égalité que les joueurs. C'était plus durant. Peut-être. Durant les gros matchs que lui pouvait parler, mais à part de ça, il disait que c'était un coéquipier normal, là. Ah, très normal. C'est sûr qu'il était très. Il parlait beaucoup dans la chambre quand ça n'allait pas bien. C'était un Ouais. leader. C'était notre leader de l'équipe. Ouais. C'est rare que ce soit un gardien de but de même, mais Patrick, il l'était. Mais tu sais, quand il y a un gars qui te pointe du doigt ou pointe d'autres joueurs, moi, j'ai aucun problème quand ce gars-là fait sa job sur la glace. Puis Patrick, c'est le joueur qui faisait super bien sa job. Donc, quand tu te lèves puis tu critiques du monde, organise-toi que toi, tu fasses ta job. Puis Patrick le faisait très bien. Donc, non, non, aucunement, le traitement que Patrick avait était pleinement mérité. Puis Patrick, c'était le meilleur joueur d'équipe. C'est lui qui mettait toujours l'équipe en premier. J'ai joué avec des super vedettes, moi, puis des fois, ils mettaient leur personne en premier. Mais Patrick, c'est le joueur avec qui j'ai joué. J'ai joué avec des super joueurs, le Steve Yzerman, Ouais. Fedorov, Lindros. Patrick, c'est le joueur qui mettait le plus l'équipe devant lui. OK. Donc, c'est pour ça que moi, je reviens toujours pourquoi que le monde a eu Patrick. Je comprends qu'il était frustré de la partie qu'on perdait, là, mais c'était pas de la faute à Patrick, là. Je vais parler à Parce que. Bernard Brissette tout à l'heure. C'est lui qui a organisé la communication. Mais entre la deuxième et la troisième, il a dû avoir, parce que ça s'est passé pas mal il a dû avoir un semaine. Je vais poser la question à Bernard. Mais vous, les joueurs, vous avez-tu été avertis par Bernard Brissette et la gang de ne pas commenter le dossier? Non. Non? Non, OK. aucunement. Non, mais on savait bien que c'était quelque chose quand le départ de Patrick, là, c'était quand même assez hot, là. Fait que, puis on savait pas qu'est-ce qui allait arriver, honnêtement, là. Puis tu avais un nouveau management qui venait d'arriver aussi. Fait que pour eux autres aussi, là, M. Hull, c'était pas évident pour Régent, là, de dealer avec cette situation-là quand il vient d'arriver comme directeur général du Canadien. Donc, ça n'a pas été une expérience très heureuse pour beaucoup de monde, là, cette période-là, ça c'est Est-ce certain. les joueurs, vous avez toujours une opinion, là, tu peux le dire 25 ans après, là, quand vous avez vu arriver Jocelyn Thibault, vous avez vu arriver Andrei Kovalenko, puis Martin Ouzanski, puis vous avez vu votre capitaine Mike King, qui est un gars très respecté également dans le vestiaire, qu'est-ce que vous avez dit comme joueur? Vous avez dit, voyons, on aurait-il été capable d'avoir plus? Vous ne posez pas de questions. Ben, c'est sûr qu'on a toujours des commentaires, mais essayer d'avoir plus, t'sais. Ouais. Toutes les équipes de la Ligue savaient qu'il fallait qu'ils changent Ouais. Patrick, là. Eux, le Canadien a décidé qu'il voulait changer Patrick. Sûrement que Patrick voulait partir aussi, là. Mais c'est sûr que les équipes dans ce temps-là, ils n'ont pas le gros bout du bâton, là. Fait que c'est. Non, non, c'est Non, moi, sûr. je pense que dans les circonstances, ils ont quand même bien fait l'échange. Jocelyn Thibault, comme j'ai dit, c'est un de mes chums, c'est un super bon gars, très bon joueur. Mais qui aurait pu remplacer Patrick Ah, Roy? c'est Il ça, n'y c'est avait comme pas bien remplacer ben Tom dans la ligue dans ce Brady. temps-là. C'est un peu comme remplacer Tom Brady en Nouvelle-Angleterre. Je suis bien content d'avoir un Exactement. vétéran. Je ne sais pas si tu es un amateur de football, mais je suis bien content d'avoir un Cam Newton. Ça va mettre moins de pression sur le jeune qui va arriver après, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas une situation idéale, honnêtement. Puis, je pense pas qu'on va revoir ça dans les 50 prochaines Non. années non plus, là. Non. Fait que c'est vraiment exceptionnel comme circonstance. Imagine-toi les médias sociaux si ça aurait arrivé en 2020. Oh, ça serait incroyable. Ce serait. Ah non, mais déjà Montréal avec tous les journalistes. Tu sais, le Ouais. monde ne le savent pas, ça, mais dans le temps, j'ai joué dans les équipes américaines, Philadelphie, Détroit, Tampa Bay. Il y avait un ou deux journalistes qui suivaient l'équipe sur la route. À Montréal, il y avait 40 journalistes, écrits, radio, anglais, français. Il y avait un autobus juste pour les journalistes. Ouais. C'est jamais vu. Fait que. On l'avait, cette pression-là, des journalistes, parce qu'il y en avait plusieurs. Dans les autres équipes, t'as un ou deux journalistes qui suivent l'équipe. Ouais, Fait qu'il n'y avait pas 22 pages à remplir le lendemain matin d'un match, tu comprends? Fait que, Montréal Est-ce l'avait déjà un peu, c'était son réseau social, je te dirais, avec les journalistes dans ce temps-là. Moi, je pense que la crise, c'est mon opinion personnelle, là, tu me diras ce que j'en pense, Yves, ça aurait pu être réglé avec une belle pièce de théâtre de dire, regarde, de pas s'emporter, de dire, regarde, on s'est emporté, le match était hors de portée, c'est les émotions qui ont fait ça, puis de dire par après, par en arrière, à Patrick, regarde, on va t'échanger, mais laisse-nous le temps un petit peu de trouver la meilleure transaction, au lieu de faire ce qu'ils ont fait là. Est-ce que tu penses que ça aurait pu être fait différemment? Non, je pense que la ligne a été. Non, la ligne, Ok. la façon que l'entraîneur a traité Patrick, il y avait un point de non-retour. C'était vraiment, pour moi, c'était un règlement de compte. Devant 18 000 personnes, devant je ne sais pas combien de centaines Ah de milliers de personnes qui regardaient le match, Patrick a été humilié, ça c'est certain. Non, moi je pense que c'était impossible qu'il y ait un retour ou que Patrick reste dans la chambre de la ouais. façon qu'il a été traité. Parce que pour moi, la façon qu'il a été traité, tu fais même pas ça un joueur ordinaire. Fait Ah. qu'imagine-toi la vedette de l'équipe. Non, tu fais pas ça des Michael Jordan, tu fais pas ça des Tom Brady, des Patrick Roy, tu fais pas ça, c'est ça. C'est un manque de respect total. Ouais. Total. Yves, tu fais quoi aujourd'hui? Moi, j'aimerais ça savoir. Moi, je me rappelle très bien de toi, tu étais avec les Red Wings, mais tu fais quoi? Tu es à la retraite. Moi, on me dit que t'es une maison de t'es une entreprise de construction à Québec, fait que ça va bien ton affaire. Ben, disons que je suis dans l'immobilier. On a fait des projets de condo Humania, condo nature à Saint-Augustin. C'est un projet de trois phases de OK. 280 condos. Fait qu'on est en train de finir ça. Ça fait 10 ans qu'on travaillait sur ce dossier-là. Puis j'ai eu la chance d'investir dans une compagnie qui s'appelle Fixatec à Québec, qu'on vend des produits de construction, des outils, des clous, des agrafes. Donc, on dessert tous les contracteurs de Québec. Et on dessert aussi toutes les quincailleries à travers la province, Béhamer, Rona, de Ah, nos c'est bon. produits de clous et agrafes, ouais, notre marque maison. Donc, on développe ça depuis une dizaine d'années. J'ai mes deux fils, Samuel et Jacob, qui travaillent avec moi aussi. Donc, c'est rendu familial. Donc, on a du fun avec ça, Il y a puis on des essaie de exemples de faire retraite, avancer ça. hein, tu dis tout le temps. Est-ce que ça, c'était de l'intérêt que tu as fait après ta retraite de joueur ou c'était tu avais déjà ça dans le sang quand tu étais joueur? Oh non, avant ça longtemps, quand je jouais junior majeur à Victoriaville, j'avais acheté un mini-pot OK. à l'âge de 19 ans. Donc non, les affaires m'ont toujours attiré. C'est sûr, quand tu es joueur, tu es parti 9-10 mois par année, c'est très difficile. Mais non, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai fait 6 ans en Europe, j'ai eu la chance un petit peu de préparer mon après-carrière. Puis lorsque je suis revenu ici en 2003, ben, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'avais des partenaires avec mon dernier coup de main. Mais non, le côté des affaires m'a toujours attiré. Ah, ben J'ai lu beaucoup de livres lorsque j'étais dans les avions, puis on était sur la route, donc c'est de même que j'ai appris aussi un peu la c'est le business. fun parce que je prends souvent l'exemple de. Tu sais, on entend souvent des histoires d'horreur avec des anciens athlètes de joueurs de hockey qui disent que. Tu sais, on voit des. Moi, je vois les Lenny Dykstra, des gens qui font faillite Ouais. après leur carrière parce que souvent, ils veulent avoir le même rythme de vie que quand ils étaient joueurs et ils n'ont plus ça, là. Puis moi, je prenais toujours l'exemple Ben. de Serge Savard. Fait que je disais, c'est pas tout des Serge Savard, là, qu'il faut être préparé, il faut avoir une tête sur les épaules, gérer l'argent, gérer tout ça. C'est le fun de voir qu'Yves Racine a bien réussi quand même. Parce que t'as quand même gagné bien ta vie comme joueur, mais c'est parce qu'après ça, faut avoir une tête pour gérer tout ça, là. Ben, c'est certain, c'est ça. Nous, on est pas mal la dernière génération que la plupart des joueurs devront travailler aujourd'hui. On n'a pas assez ramassé pour dire qu'on prend notre retraite là, à 30, 35 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est sûr qu'ils vont faire 5, 6, 7 ans de carrière, puis ils vont avoir assez d'argent de placer. Mais ça reste que tu peux pas, à partir de 30, 35 ans, dire je fais plus rien, puis je fais juste jouer au golf, Ben ouais, puis c'est sûr. tu comprends? Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres buts à atteindre dans la vie. Donc, je pense que les joueurs sont plus sensibilisés à ça depuis une dizaine d'années. C'est ça, c'est ton entourage, ta famille, la façon que tu as été élevé, ton agent joue un rôle là-dedans aussi. Avant, les joueurs étaient laissés à eux-mêmes. Tu sais, les joueurs, avant ma première année, je faisais 125 000 par année. Puis il y a des joueurs qui faisaient 10 ans qui jouaient, puis ils faisaient 140 000 par année. Fait qu'après impôts, puis payer ton hypothèque, il t'en restait pas. Tu sais. Fait que ça a changé beaucoup depuis 15-20 ans. Mais c'était bon pour le sport. Puis, tu sais, je pense que les propriétaires sont contents, puis les joueurs sont contents. Puis, tu sais, souvent, le monde dit que les joueurs font trop d'argent. Mais en étant en affaires, moi, je peux vous dire que si les équipes paient des 10 millions, 12 Ben, millions à c'est ça des qui l'a fait joueurs, c'est l'allemand. sûr qu'ils font de l'argent. Si tu ne fais pas d'argent, ils ne pourraient pas le donner, cet C'est argent-là. déjà fait l'allemand. J'ai hâte Fait de voir avec la que. COVID, tu vas arriver quoi après ça, par exemple. J'ai hâte de voir, ben, hâte de voir ça. Yves, c'est très Ben, c'est sûr qu'il intéressant. est propriétaire. Oui. Ouais, j'aimerais Oui, ça t'en c'est sûr qu'il est reparler propriétaire. pour commenter l'actualité du hockey si tu suis encore. Oui, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles OK. quand tu veux. OK. Yves Racine, l'ancien joueur du Canadien des Red Wings de Détroit.